Selon le décret du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, Kim Yong-sik est nommé ambassadeur coréen en République démocratique du Congo.